qu'est-ce qu'une décision politique? La décision politique ou la décision en politique semble porter à l'extrême le problème de la décision en général et même le déplacer radicalement dans la vie et dans les sociétés humaines. Le problème de la décision en général dans nos vies, c'est le problème de savoir quoi décider. Est-ce qu'on va décider ceci ou cela? Mais la politique nous rappelle que le problème de la décision, ça n'est pas seulement celui de ce que nous devons décider, mais de qui décide et qui a le pouvoir de décider. La décision en politique, ben, n'importe qui ne peut pas la prendre. Prendre des décisions pour tout le monde dans une société, cela relève de ce qu'on appelle précisément le pouvoir qui est attribué à certains en vertu, dans le meilleur des cas, d'une décision justement collective, d'une décision des autres, de ce qu'on appelle une constitution. Mais justement, le débat est très violent en politique et en philosophie politique sur cette question. Il y a, en philosophie, mais aussi en politique, des gens qu'on appelle les décisionnistes, ils pensent que la décision est toujours, relève toujours d'un pouvoir absolu et que le pouvoir ne se justifie jamais, mais au fond se prend. Que le pouvoir, c'est au fond un rapport de force entre les humains et que le signe en est justement l'arbitraire assumé de la décision qui n'importe moins par son contenu que par celui qui la prend, qui a peut-être comme but premier d'abord de maintenir son autorité, le pouvoir même de décider. Ce décisionnisme a évidemment des arguments dans la réalité. In fine, une constitution vise toujours à confier la décision à quelqu'un, mais elle comporte évidemment aussi des limites, cette théorie. Est-ce que le décideur politique ne doit jamais justifier ses décisions? Est-ce que la décision politique ne doit pas être la plus argumentée, la plus justifiée de toutes, celle qui a des conséquences pour tout le monde, pour toute une société? Nous l'avons vu, par exemple, en période de pandémie, quand des décisions visent à suspendre les libertés, justement dans ces moments de décision très particuliers, qui sont les moments de l'urgence, de l'exception, où les procédures habituelles d'argumentation sont suspendues et parfois pour de très bonnes raisons. Il est vrai que la décision politique n'est jamais seulement, en fait, un acte de pouvoir qui s'oppose, par exemple, au savoir ou qui s'oppose à la science ou qui repose uniquement sur l'autorité de celui qui décide. La décision politique, c'est toujours aussi un arbitrage entre des enjeux complexes dans une société, des enjeux qui s'expriment par des conflits et qui ne sont jamais tout entiers d'un côté ou de l'autre. Par exemple, dans une décision sur la santé publique, il y a d'un côté la maladie, la vie et la mort, la santé, et d'un autre côté, il n'y a pas la politique comme si c'était un pouvoir arbitraire et seulement politicien, même si ça peut être un danger. Il y a aussi d'autres dangers vitaux, d'autres enjeux de vie et de mort, par exemple, dans l'économie, dans la santé mentale ou dans les relations internationales et dans la justice. Le politique, ça n'est pas seulement l'autre du savoir, l'autre de la réflexion, l'autre de la morale, c'est aussi l'arbitrage, peut-être le plus difficile de tous, entre des positions opposées, entre des dangers concurrents, entre des divisions dans une société. Il faut espérer que la décision politique ne soit pas la plus injustifiable, mais au contraire, la plus nécessairement justifiable de toutes, celle qui nous permet de vivre ensemble.